ont mis un contrat sur l'instru, appelle-moi le tueur à gage. J'ai dribblé le gardien, y'a plus qu'à rentrer dans la cage. J'arrive en dérapage avec les petits qui pètent la cage. Alors tu voulais jouer à la vache, j'suis pas comme vous, j'n'ai pas la mâche. Sous Grigousse, faut que j'ralentisse, faut que j'ralentisse, faut que j'ralentisse. Pendant que les grossistes parlent en kill, toi tu parles en 10. 2017, y'a pas foutu niquer. J'rappe pas pour niquer, encore moins pour finir proliquer. Ça décapote, ça roule éteint entre nous, pas trop de politesse. Quelle adrénaline quand on mélange à toute vitesse. J'ai pas la tête à te dire moi ce qui ne va pas. Ça fait la pute, je le sais déjà, si tu crois que ça sera pas. Là je pète un câble parce que je me dis sur le câble. Ça me paraît fabuleux, rap à l'ancienne comme Tigelous. Des trous sur ma blouse, et même pas je culpabilise. Toujours avec le cous, quand je monte à Belize. Et arrêtez, arrêtez, c'est la voix du flic, j'ai entendu avant de m'arrêter. Là c'est l'été, c'est l'été. Tu peux me voir sur le jarret en train d'écouter de la variété. J'écoute du Renaud dans l'Audi. Je suis taille, on m'applaudit. Je suis en fumette et chez moi je rigole même sur mes parodies. On va essayer de miser dans la sape. On va pas cracher dans la soupe. J'ai le vent en poupe, les fonds guettent à la loupe. Et quand je suis pas là là, toi je vois que tu t'énerves. Et quand je suis pas là là, mais où tu vas mon cousin, un cousin avec tes mocassins. Je peux blague sur Joe Dassin. Je me casse la tête avec tes mots pas simples. J'ai braqué l'assassin avec Chiquita l'an passé. Ce soir c'est comme une jeep, tu vas finir les dents cassées. Au quartier on respecte, on s'écarte, on laisse les gens passer. Quand il fait froid on se parle de caisse en caisse, tous entassés. À Marseille on a la plage, on a l'OM, on a les beaux mecs. J'ai vu que le monde tient, j'ai vu que les filles pas que les beaux mecs. J'ai vu que tout s'achète, elle a mis du shit dans sa chute. J'sais que ça attend ma chute, alors j'nique tout autant que j'peux. Arrête de chanter, on se reverra celle à celle. Pas besoin de faire de la salle, des mecs cagoulent montent sur la selle. MC sur la sélecte, Dieu le célèbre. J'suis pas le mec, j'suis pas l'élève. J'suis pas trop bisou bisou, j'sais pas où elle me célèbre. M'en fous que j'suis célèbre. On m'appelle Love J-U-L, retiens ses lettres. I kick dans les joues, j't'envole dans les choux. Et j'm'en bats les choix, j'ai même du shit dans les choux. Alors comme ça, toi t'as le blues. Alors comme ça, toi t'as le blues. Alors comme ça, elle a le blues. Moi j'me propulse et j'ai Pro Tools. L'argent on veut tous, Kamehameha le couze. Poussez-vous tous, poussez-vous tous. J'fume la fin du grid de rage de tous. M'a mis la pousse, faut que j'fasse doucement. Il est fou ce monde, et puis tout sans si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu dirais bien doucement. Et rien que parce qu'on fait du rap, ils croient tous qu'on tire. Et on donne mes potes m'ont dit tous qu'on tine. J'fais un feat avec ce bras là, ça Constantine. Et il faut tous consentir. Mais personne s'aime, tout le monde s'enterre. Pour des centimes, sur net ils m'ont descendu. 11 albums en 3 ans, dis-moi qu'est-ce t'en dis. Là sens-tu, là j'accentue. Pourtant j'aurais pas sorti les armes, juste la ceinture. J'suis venu au sud, pas pour blaguer, faut que je fasse un tube. Des terres comme au charbon quand tu passes un tube. Ça forme des clans, ça se dit frère et ça sent tube. Ça forme des clans, ça se dit frère et ça sent tube. Quand je débarque à Paris, ça sent le sud. L'impression que la poisse me colle comme une sangsue. Dis-toi que je suis rien sans son. Je suis au quartier avec tout le monde, y'a pas longtemps. J'étais sur France 2 avec Véronique. Et je suis posé là, pas loin du quartier. Je traîne avec ma bande, je même pas un artiste. Tout le monde veut le million, la ville à la femme parfaite. La mise cherche le luxe, elle aime ça, elle est refaite. Je suis d'arrêt platiné, j'ai jamais fait le king. Y'a pas de bling bling, on aime le bruit du bête bête. Qui dit que je suis dead? Je me promène, ma boca sur la pute tête. Et je suis même bête, le coup dehors, je fais le skeg. Je te colle au cul. Faut que tu te lèves, je vénère bref, je tape même en grève. Y'a pas de trêve, c'est sombre. J'ai déjà vu cette action dans un rêve. Je perds la vie, crois pas que je kiffe. Je perds des potes, fais la gif. Quand tu perds les cheveux parce que t'as trop fait de dev. C'est pas parce que t'es le plus costaud que t'es le chef. Mon pote me dit frérot, vas-y là, c'est une mienne. J'ai plusieurs goûts, j'aime espagnol et sicilienne. Et j'ai l'air triste comme un guitariste. Je supporte pas les journalistes. Ils montent leurs questions avant et ils te sortent des trucs qu'il y avait pas dans la liste. Elle danse sur la piste. Elle est en mini-jupe, elle croit que tout le monde la piste. J'suis comme ton pote, j'aime le bruit des KTM. J'ai assez de soucis, garde tes blèmes. J'ai pas trop le temps, l'heure qui tourne sur ma montre. J'm'en fous de ta vie, j'm'en fous de la sienne et de la mode. A crise de deck, mec, ça bat le temps, impec. À part que, ils viennent toujours nous faire chier les decks. Toujours oser, toujours poser. Suffit d'ouvrir la bouche pour faire arroser. J'suis explosé, exposé. Les civils tournent, frérot, ils m'ont donné la nausée. Elle va te coucher, si je vis, j'vais toucher. J'entends pas tes bouches, les suces, la scène comme un boucher. J'la fume comme un bullshit. J'fume tellement, tellement que presque il va sortir de la bleue quand j'vais moucher. Alors on dit quoi? Alors on dit que dans le secteur c'est dur d'ouvrir un charbon car y'a trop d'indiques. Qu'appelle les flics, si au moins ils touchent du fric. Et encore je serai jamais sans pas trahir la clique. Elle me trouve magnifique, mais dis-moi qu'est-ce que j'y gagne. C'est juste qu'une fois que je gigue, j'ai besoin que de moi, ouais c'est tropical. Alors petit guignol, pareil qu'il t'est poussé des guibolles. Pareil que ça fait du sale. Moi je trouve que t'es devenu drôle. Je suis bien entouré. Faire les maths on pourrait. En vieillissant, tu pourris. Nous, en grandissant, on pourra. Le pauvre, quand la vitesse passe. Mon pote, on veut de l'espèce, wesh, vas-y, laisse place.